Y'en a marre! Y'en a marre! Mais y'en a marre! Le gouvernement socialiste doit absolument arrêter ces pratiques. C'est pas possible quand même, ces outrages qu'exercent ces planqués aux yeux de tous et sans que personne ne soit choqué. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, cette Taubira? Et déjà, comment est-ce qu'elle a pu arriver à ce poste? Ah ouais, ouais, je sais. C'est la minorité visible du gouvernement. Elle cumule tout, elle. Écolo, noir... Non mais c'est vrai, quoi, y'en a marre. Un jour, ils vont bien arriver à leur but, hein. Après Copé et Wurst, voilà qu'ils s'en prennent maintenant à Claude. Non mais Claude, quoi! Plus blanc que lui, tu meurs! Le mec, il dit pas un mot de travers, il est aussi droit qu'une allumette dans sa boîte, et on veut nous faire croire qu'il aurait fraudé le fisc? Non mais puis quoi encore? Pendant qu'on y est, on n'a qu'à dire que David Douillet a été nommé uniquement parce qu'il était champion olympique, ou que Brice Hortefeux est raciste? Non mais vraiment, y'en a marre! Sérieux! Ils ont pas d'autre chose à foutre, les socialos? Ils feraient mieux de balayer devant leur porte et de virer les Thomas Thévenoud et les Cahuzac plutôt que de laisser ces escrocs au gouvernement. Hein? Ils sont plus là? Ouais ben, c'est pareil. Au moins, avec Sarko, il n'y avait pas de problème. Ou en tout cas, on l'a jamais su.